Wilson. Détails au palaismontcalm.ca. Sortie culturelle. Le jeudi 14 novembre de 15h30 à 17h, ne manquez pas Sortie culturelle à l'inauguration de Lumière sur l'art à CKRL. En direct du Morena, Pamela Bisson et le Machin Club recevront Jocelyn Robert, artiste concepteur des luminaires géants de l'avenue Cartier. Le 14 novembre, découvrez les artistes, commerces et organismes de Montcalm qui mettent en lumière la créativité du quartier des arts de Québec en direct à CKRL. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Ici Myriam Leland en remplacement de Gentiane La France au micro de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, ce soir à l'émission, on reçoit Simon de Bussière qui vient nous parler de Dans la mêlée, soirée de performance et de photographie à la librairie Saint-Jean-Baptiste qui se déroule demain soir. On s'entretient avec Nadia Morin au sujet de son exposition Dis-moi un secret présentée à la bibliothèque Claire-Martin jusqu'au 18 décembre. Puis en fin d'émission, Gabriel Bélanger vient nous jaser de son exposition Les mouvements nécessaires qui débute ce vendredi à Engramme. Pour l'instant, on se laisse pour une pause audio sélectionnée soigneusement par Simon Roy, comme à l'habitude. Ce soir, on écoute le groupe Chocolat, qui est un groupe de Montréal qui donne plutôt dans le rock and roll, un peu funk. Si vous aimez Hubert Lenoir, Bleu Jeans Bleu même, vous allez adorer. C'est des paroles qui décrochent un sourire, une bass et une guitare un peu funk, des mélodies accrocheuses. Donc, au retour de la courte pause musicale, on s'entretient avec Simon de Bussière. Thank you. Donc, c'était la piste, l'album du groupe Chocolat sur l'album Jazz Engagé. Moi, j'ai vraiment découvert quelque chose d'excellent. On va continuer à l'écouter pour le reste des pauses musicales. Mais pour l'instant, on a Simon Debussière avec nous en studio. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Puis on a également Valérie Bourget. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Valérie, qui est performeuse à la soirée dans la mêlée, soirée de performance et de photographie, qui se déroule demain soir à la librairie Saint-Jean-Baptiste dès 20h. Oui. Simon, peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi cet événement-là? Oui, en fait, on avait l'idée d'organiser une soirée performance liée à l'art qui reliait vraiment le programme d'art visuel de l'Université Laval et celui d'histoire de l'art. Vraiment jumeler ceux qui étudient et ceux qui pratiquent oui, ensemble. Oui, c'est rare que c'est fait, même physiquement à l'Université Laval. On a la fabrique qui est dans le centre-ville, mmh. puis l'histoire de l'art qui est sur le campus dans Sainte-Foy. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent ce mélange-là. Puis justement, on a choisi le lieu de la librairie Saint-Jean-Baptiste parce que c'est un lieu qui est un peu au centre des deux, donc ouais. vraiment comme un point de rencontre entre les deux institutions. D'accord. Puis, comme le titre de l'événement le dit, il y a de la performance, il y a également de la photographie. C'est de la photographie argentique, si je me trompe pas? Oui, exactement. Donc, c'est tous des photos argentiques, principalement en noir et blanc. D'accord. Vraiment un peu comme un retour aux sources, le médium de base, la pellicule, le papier, l'impression. Donc... C'est très minimaliste. Oui, c'est ça. Oui, puis est-ce qu'il y a un lien entre les photographies qui vont être exposées et les performances? Non, on a vraiment essayé de faire deux choses dissociées. Donc, vraiment des performances, vraiment, ça s'appelle dans la mêlée. Mm-hmm. Donc, des trucs plutôt disparates, à thème libre, vraiment pour laisser la créativité aux gens. Par contre, les photographies ont le thème du minimalisme, justement, d'accord, pour être okay. plus centré. Donc, il y a deux photographes, Miguel Belmar et oui, moi-même. Parfait. Puis, au niveau des performances, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Ça s'appelle dans la mêlée. Est-ce qu'on doit en déduire que ça va être plus performatif? Valérie, peut-être que tu pourrais nous en parler. Ben oui, en fait, c'est un heureux mélange de performances et d'installations multimédia. Puis, comme Simon l'a dit tout à l'heure, la liberté a vraiment été laissée aux artistes pour leur expression. Puis, c'est vraiment dans une volonté de faire vivre des émotions, déstabiliser un peu, même des fois d'interroger l'audience. Mais ouais, pour le découvrir, il va falloir venir faire un petit tour à la librairie Saint-Jean. Oui, ça donne le goût déjà de vous entendre en parler. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? Je dirais environ près de 2 mois. OK. Puis Valérie, est-ce que tu es également organisatrice du projet? Malheureusement, non. Je suis vraiment seulement artiste. Mais moi, ça fait à peu près 2 semaines, 3 semaines qu'on travaille ensemble là-dessus, ici et là. OK. Ouais. Puis c'est des étudiants principalement d'art visuel qui ont bâti ça ou vous avez vraiment fait ça conjointement avec l'histoire de l'art? De base, l'idée part vraiment du baccalauréat en histoire de l'art. D'accord. Puis comme... Il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent en histoire de l'art. On est allé directement vers l'art visuel pour essayer de faire justement ce lien. OK. Toi, est-ce que tu étudies en histoire de l'art, sinon? Oui, c'est ça, justement. Oui, OK. Puis Valérie, je présume en art visuel. Exactement, oui. Parfait. Puis je vois que le coût d'entrée est de 5 $, c'est bien ça? Oui. Oui. Est-ce que ça va aider à financer les artistes? Principalement. Tout revient aux artistes. On voulait vraiment que les artistes puissent trouver un moyen de faire de l'art tout en étant rémunéré, surtout que dans la performance, c'est pas toujours quelque chose qui est très évident. En effet, oui. Puis j'imagine que c'est principalement des artistes plus émergents, étant donné que c'est des artistes qui sont encore au bac. Oui, exactement. Et en fait, on est tous encore au bac. Là. Okay. Peut-être quelques-uns à la maîtrise aussi. Puis, je pense que même dans l'audience, par contre, il va y avoir tout genre de personnes. Puis, justement, puisque c'est à la librairie Saint-Jean, entre les performances, il va y avoir des petites pauses que les gens peuvent aller chercher un petit breuvage, une bière, un café. Okay. Vraiment pour inciter la discussion, justement, entre les différents domaines artistiques. Génial. Ben oui, la librairie, c'est un peu moins intimidant qu'un centre d'artistes, par exemple. Exactement. Où le commun des mortels, le monsieur, madame, tout le monde a moins tendance à aller. J'imagine que c'était un peu... Un but derrière cet événement-là. Oui, c'est ça, en fait, aussi pour un peu sortir des milieux académiques, vraiment un lieu plus convivial, au cœur des quartiers plus où il y a de la mouvance. Donc, on voulait vraiment un lieu rassembleur. Puis, si vous aviez un mot pour décrire l'ambiance qui va régner, ou en tout cas l'ambiance que vous souhaitez créer? Je dirais très convivial, tout en étant très un peu éclectique. Éclectique. J'allais dire éclectique aussi, ouais. Excellent, les deux s'entendent, on est déjà sur une bonne piste. Puis, pour terminer, peut-être, est-ce que vous pourriez me parler de chacun un coup de cœur d'un artiste qui sera présent? Personnellement, j'aime bien la performance de Valérie, parce que c'est vrai qu'il y a quand même la surabondance des médias dans notre quotidien est très, très présente. Donc, je trouvais que c'était très parlant comme performance. Tu piques ma curiosité, Valérie. Est-ce que tu fais plus dans le multimédia? D'habitude, je suis vraiment plus dans le 2D, mais dernièrement, je me suis vraiment découvert une passion justement pour le multimédia. Puis, justement, la performance va porter sur l'hyper-sollicitation numérique. Okay. C'est vraiment un thème large, mais si ça vous intéresse, vous allez pouvoir venir voir ça, ouais. Oui. Puis sinon aussi, dans les performances, je pense qu'il va y en avoir une, entre autres, sur l'amour, d'autres oh, wow. sur la séparation des corps. Donc, c'est vraiment... Éclectique. C'est vraiment un ouais, très bon voilà, mot pour décrire ça. Mm-hmm. Puis toi, Valérie, est-ce que tu as un coup de cœur, quelque chose que tu as hâte de voir? J'ai vraiment tous hâte de les voir, je te dirais. Puis sinon, celle de Marie-André Ouimet aussi, j'ai bien hâte de voir ça, c'est super. Exactement, c'est celle sur l'amour, en fait, que okay. je parlais précédemment. Ouais. Dans quel médium elle travaille? Est-ce que c'est purement un performatif corporel? Ou... Pour ne pas l'avoir vue encore, okay. Je voudrais pas dire quelque chose qui serait qui serait trop large. Ouais. Exact. Mais je pense que ça va être une performance. Ouais. OK, plus avec son corps. Avec son corps, on exactement. Présume, on ouais. rien je présume que ce serait avec son corps, exactement. D'accord. Donc, même vous n'avez pas vu tout ce qui est, tout ce qui va être présenté là. Donc, ça va être une surprise pour même les artistes qui vont être présents. Exactement. Ça promet vraiment comme soirée. Ben, Simon de Bussière, Valérie Bourget, merci beaucoup pour votre présence en studio ce soir. Donc, je répète, c'est Dans la mêlée, soirée de performance et de photographie à la librairie Saint-Jean-Baptiste demain dès 20h jusqu'à 23h, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, le coût est de 5$ en ligne ou à la porte. Exactement. Merci beaucoup pour l'entrevue. On se laisse pour une pause studio, une pause audio, pardon, encore avec Chocolat. Cette fois-ci, ce sera une introduction inutilement complexe. Je vous jure que c'est vraiment une bonne piste qui n'est pas inutile. Encore de l'album Jazz Engagé du groupe Chocolat. Bonsoir, Nadia Morin. Bonsoir. Merci d'être présente en studio. Ce soir, on parle de ton exposition « Dis-moi un secret » qui est à la bibliothèque Claire Martin sur la rue Saint-Jean, donc dans l'ancienne église. C'est présentement ouvert, c'est jusqu'au 18 décembre. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition-là? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, ben en fait, c'est parti d'une collecte de secrets anonymes, donc je ne sais pas qui m'a confié ces 10 secrets. Et donc, j'illustre les confidences qui me sont confiées en collage numérique, donc je me fais ma propre interprétation visuelle des confidences. C'est vraiment intéressant. Je suis allée la visiter d'ailleurs aujourd'hui, puis je remarquais que dans l'église, il y a cette atmosphère-là, un peu de confidence, c'est comme un petit rappel du confessionnal. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu ou qui est comme un peu venu avec la mise en espace? Ben en fait, en pensant au lieu d'exposition possible, je me suis dit qu'une bibliothèque serait tout indiqué. Je travaille à la Maison de la littérature, oui. Et c'est vrai que dans une bibliothèque, il y a cette forme de secret-là, de silence, on prend le temps d'observer. C'est feutré. Oui, puis veux pas, en fait, les livres, c'est un type d'univers, comme le suggèrent un peu mes collages numériques, donc j'aimais bien ce parallèle-là. Oui, et puis t'es quelqu'un qui est assez passionné par les mots aussi, si je me trompe pas. Exactement. T'es graduée en rédaction professionnelle, c'est bien oui, ça? Oui, c'est bien ça, donc, et aussi en art visuel ouais, et médiatique, exact. Donc le lien entre les deux est vraiment fort depuis le tout début de mon parcours scolaire. Donc, je voulais essayer de, justement, créer un univers entre les deux. Donc, le secret apporte bien ça. Donc, une phrase, deux phrases qui expliquent une confidence, ainsi que le jumelage avec l'œuvre, donc avec le collage numérique. Oui, merci. Puis, qu'est-ce qui a parti ce projet-là? Est-ce que quelqu'un qui t'a confié un secret, puis tu t'es dit, ah tiens, ça me fait penser à telle image? Comment t'as pensé à ça? En fait, ça a commencé il y a 6 ans avec deux amis, alors qu'on était un collectif. OK. Et on se questionnait sur qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens de nous confier. Donc, j'ai eu l'idée d'un secret parce que moi, j'étais intriguée par qu'est-ce que les gens cachent aux autres, qu'est-ce qu'ils gardent pour eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de dire, qui est important, et tout ça. Donc, on a parti une collecte de secrets. Avec le collectif. Oui, exactement. D'accord. Et donc, par la suite, on voulait le traduire visuellement, mais on s'est rendu compte que nos pratiques étaient vraiment différentes. Donc, Andréane, par exemple, était plus en photo, Anne-Marie en peinture, et moi, j'étais en photo-dessin. Donc, ça se mariait pas très bien. À ce moment-là, on a laissé tomber le projet pour 1 an, et comme c'était mon idée, j'ai décidé de le reprendre toute seule. De et de commencer la série en collage numérique. Puis ce collectif-là, je présume qu'il y a un nom? Oui, c'était Feu de Bengale, mais ça n'existe ça plus. Ça n'existe aujourd'hui. Plus. Exact. Les noms que tu as mentionnés, pourrais-tu nous dire les noms de ces personnes-là? Oui, ça peut c'est être intéressant. Anne-Marie Villeneuve, qui a toujours une pratique en art visuel en peinture, et d'accord. Andréane Gagnon, qui est également en photographie. D'accord. Puis, est-ce que tu penses collaborer à nouveau avec ces personnes-là, peut-être? Peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Ce serait plaisant, oui. Je vois aussi dans ta pratique, j'ai remarqué que, puis c'est ce que tu décris également, que tu mélanges des photos d'archives, des photos, des genres de stock photos trouvées sur Internet, oui. Mais avec des photos de ton propre cru également. Exactement, ouais. C'est un mélange des deux à chaque fois, en fait. Donc, moi, c'est sûr, j'avais une pratique en photo, donc j'avais une collection de photos dans laquelle je pouvais piger de base et je continue d'en prendre dans le but de les intégrer à mes collages numériques. Mais je trouvais intéressant aussi de le marier avec les photographies d'archives qui sont principalement en noir et blanc et d'aller chercher dans le passé cette espèce de surréalisme qui se crée avec mes photos et de les intégrer. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment un univers du rêve, un univers onirique qui rappelle vraiment les créations, les collages, oui. Des surréalistes, un peu comme un cadavre exquis. Exact, c'est ça. J'aimais bien l'univers du rêve, le fait que c'est pas nécessairement figuratif. J'aimais bien que ça laisse place à l'interprétation, non seulement pour le visiteur, mais aussi à la lecture du secret. Ouais. Puis, c'est quoi ton processus quand tu lis un secret? Dans le fond, parce que tu reçois ça, je lisais un peu, on peut toujours t'envoyer des secrets. Oui, toujours, c'est disponible sur mon site internet, sur la page de « Dis-moi un secret ». Exact. Donc, il y a toute la procédure à la fin qui est indiquée. Oui, c'est ça. Dans le fond, il faut se connecter sur une boîte courriel. On envoie un courriel à une autre adresse courriel avec le secret. Comme ça, ça reste complètement anonyme. Oui, et je suggère dans les éléments envoyés de supprimer, le secret pour être sûr que les autres ne puissent pas le lire se connectant. Oui. Puis dans le fond, quand tu reçois un secret comme ça, d'où tu pars? C'est quoi ton processus? Est-ce qu'il y a une première étape pour enclencher la création? Bien, en fait, présentement, j'ai une banque de secrets parmi laquelle je choisis ce qui m'inspire le plus sur le moment. Je laisse de reposer dans ma tête, si on veut, quelques jours. J'y réfléchis tranquillement. Qu'est-ce que ça m'évoque? Comment je pourrais le traduire visuellement sans que ce soit trop figuratif, comme je disais tout à l'heure? C'est ça. Les idées me viennent aussi selon les images archives que je trouve. Donc, peut-être que j'ai une idée dans ma tête, mais que je peux pas nécessairement la traduire en photo et donc en collage. OK. Tu sais, par exemple, il y avait un secret que c'était « Je me laisse porter par la vague, je ne prends jamais de décision et c'est d'une infinie tristesse. Oui. » Donc, par exemple, j'avais pris une photo de trapéziste parce que l'un à l'autre, en fait, ils se laissent également porter par la vague, par le mouvement. Donc, c'était une idée comme ça qui m'était venue. Et le fond, c'est un fond de vague, donc de mer. Et de ça en découle quelques petites larmes prises dans ce fond de mer-là. Donc, c'est un peu comme ça, mais c'est vraiment de l'essai et erreur. Donc, parfois, la composition fonctionne tout simplement pas. Je réessaye autre chose. Je trouve d'autres photos dans ce que j'ai pris. Et c'est ainsi. Puis qu'est-ce qui fait pour toi qu'une œuvre est terminée? C'est une grosse question, là. Est-ce que tu y vas surtout au feeling? Oui, au feeling, mais aussi la composition graphique est tout de même importante pour moi. Donc, c'est terminé quand je considère que le jeu de couleurs est bon, que visuellement ça fonctionne, que l'œil peut bien se promener et que, évidemment, ça fonctionne bien avec le secret. Est-ce que c'est toi qui as mis en espace ton exposition dans la bibliothèque? Oui, l'accrochage, c'est toi qui l'as fait? Oui, et le choix des œuvres l'une à côté de l'autre, oui. Oui, c'est ça, parce que sur ton site web, on voit qu'il y en a plusieurs des illustrations. Oui, il y en a une quarantaine présentement, oui. Puis là, à la bibliothèque, il y en a une douzaine environ? Exactement, il y en a 13, en fait. Et présentement, j'ai une partie de la série qui est également à la Galerie Beauchamp. Ah, d'accord. Donc, si jamais les gens sont intéressés à avoir un peu une partie, ben c'est une façon. OK. Puis, comme je disais, sur ton site web, on peut voir partie. La totalité, en fait. Exactement. Mais c'est sûr que je conseille vraiment d'aller le voir, soit à la Galerie Beauchamp ou l'exposition à la Bibliothèque Claire-Martin, parce que c'est très différent de voir le jeu un peu entre le grain des photos prises sur Internet, oui. avec les photos que tu as toi-même prises, les fonds aussi. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu joues? Est-ce que c'est voulu, cette différence de grain-là? Oui, j'aime ça, la texture, en fait. J'aime le fait que ce soit différent. Donc, oui, je joue un peu avec ça. Puis, en fait, j'aimerais ajouter qu'à l'entrée de l'exposition, il y a un journal dans lequel les gens peuvent me laisser un secret. Évidemment, je les invite à ne pas signer s'ils m'en laissent. Dans le but que ce soit anonyme. Bonne idée. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé l'accrochage au mur puis la présentation à plat de certaines œuvres? Est-ce que c'était simplement pour maximiser l'espace? Oui, c'était pour maximiser l'espace. Puis, en fait, je trouvais ça intéressant qu'il y en ait une partie qui soit sous vitrine, en fait, pour que les gens puissent tout simplement s'arrêter comme on le souhaite dans une bibliothèque. Donc, il y a cet esprit de contemplation-là aussi que je voulais mettre en œuvre. Oui, ça fait penser un peu à des spécimens aussi d'une exposition de nature plus scientifique, là, comme on observerait des insectes dans un boîtier. Oui, je trouvais ça intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est une toute petite exposition, mais je pense que ça participe à l'intimité du sujet. Oui, je voulais justement bien meubler l'espace, donc ça me permettait de le faire de cette façon-là. Oui, exactement. Puis, je note aussi que dans le fond, il y a la nature universelle du sujet, donc du secret. Tout le monde a des secrets, puis même il y a des secrets qu'on lit, puis qu'on se dit « Oh, je suis pas la seule! » Ben, c'est exactement cet effet-là que je voulais créer, parce que forcément, on a tous nos secrets, et à la lecture des secrets des autres, en fait, je trouvais ça le fun que les gens s'arrêtent et y réfléchissent tout simplement, puis se questionnent aussi par rapport à justement le côté universel des confidences. Oui, puis il y a le côté universel des rêves aussi. Tout le monde rêve, puis ça crée cet univers-là. Puis même souvent, les rêves, ça va être un secret. On rêve secrètement à quelque chose. C'est ça, il y a tellement un parallèle important à faire. Tu sais, le rêve, on ne sait pas nécessairement pourquoi on rêve à ça et tout ça. Mais c'est la même chose pour un secret, en fait. On ne sait pas nécessairement pourquoi on le garde pour soi. Parfois, c'est par pudeur. Parfois, c'est, je ne sais pas, moi, il y a toutes les raisons possibles. Des fois, c'est simplement un souvenir caché qu'on ne veut pas nécessairement compter. Donc, un rêve, c'est un peu la même chose. C'est un peu personnel. Tu sais, on ne veut pas forcément compter nos rêves à tout le monde. Non, en effet. Mais forcément, il y a des parallèles à faire avec les rêves des autres. Donc, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu te sens privilégiée de qu'on te confie tous ces secrets-là? Oh oui, tout à fait. Oui, vraiment. Tu es la confidente ultime de la ville de Québec. Exact. Puis j'aime ça que ce soit un projet en cours aussi. Donc, oui. Ça ne s'arrête pas là. Il y a toujours des nouveaux secrets qui entrent dans la boîte courriel. Donc, ça me donne du matériel pour créer encore et encore. Oui. Donc, tu continues à travailler sur cette série-là. Dis-moi un secret. Oui. Est-ce que tu travailles sur autre chose en ce moment? Est-ce que tu as un secret à nous confier sur des projets? Comme je suis beaucoup dans le milieu littéraire, je fais plusieurs couvertures de livres aussi. Oui. J'ai fait la couverture des libraires récemment. Donc, c'était pas mal sur ça que je travaillais ces temps-ci. OK. Puis est-ce que tu as d'autres projets d'exposition à venir, peut-être? Pas pour le moment, c'est en développement. OK. Est-ce que c'était ta première exposition, ça? Première exposition solo? Non, j'en ai fait plusieurs, en fait, mais tu sais, c'était davantage dans des cafés, dans des bars et tout ça, mais okay. C'est la première en bibliothèque. En bibliothèque. Est-ce que c'est une expérience que tu penses renouveler en bibliothèque? Ah oui, j'adore vraiment ça, puis c'est le fun de voir les gens, en fait, s'arrêter devant mes œuvres, prendre le temps, donc oui, je pense que ce sera une nouvelle expérience que je compte réessayer à nouveau. Ça connecte vraiment bien avec ton travail. Ben, merci Nadia Morin d'avoir été présente en studio avec nous. Donc, ton exposition « Dis-moi un secret » est présentée à la bibliothèque Claire Martin sur la rue Saint-Jean jusqu'au 18 décembre prochain. Merci encore une fois. Merci beaucoup. CKRL 89.1. Le Quartier des Arts de Québec vous invite à découvrir le nouveau parcours Lumière sur l'art sur l'avenue Cartier et vous donne rendez-vous le jeudi 14 novembre à 17h pour l'inauguration officielle de cette 5e édition créée par l'artiste multidisciplinaire Jocelyn Robert. La nouvelle mouture propose une chasse au trésor qui fera vibrer le Quartier des Arts tout en faisant vivre aux passants une aventure ludique et interactive exceptionnelle. Un projet rendu possible grâce à la Société de développement commercial de Montcalm, au Musée national des Beaux-Arts et à la Ville de Québec. Visitez quartierartquebec.com. Fait que le poisson, il a remonté le courant pour être avec nous autres dans notre jus de pied, mais pourquoi il est mort? Le sais-tu? Moi, je sais pourquoi. La traversée par le drain était trop rough, môme. Les cheveux, ils ont rentré dans la gorge, puis il est mort, étouffé. Bon, c'est beau, là. T'as-tu assez fait ta comique? De quoi, ma comique? C'est une tragédie, môme! Le collectif des Sœurs Amar présente « Nikki ne mourra pas » du 12 au 30 novembre au Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins. Pour toute information ou pour l'achat de billets, premieracte.ca. Jérôme 50 est présentement en tournée avec son spectacle « Le camp de vacances de Jérôme 50 ». Ça va faire... Ne le manquez pas lors de son passage à l'Impérial Belle le 22 novembre prochain. Tous les détails de la tournée au jérôme50.buzz. Quand l'hiver approche, on se rapproche. Du 18 au 24 novembre, c'est la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Au programme, des activités gratuites partout au Québec. Consultez le calendrier des événements au sqri.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. En novembre, You Need Sounds nous propose deux spectacles bien intimes au Maelstrom Saint-Roch sous les thèmes de la féminité, de la diversité et de la sensualité. Le vendredi 15 novembre, ne manquez pas Maryse et Narcisse avec leur pop R&B suave et envoûtante. Et le samedi 16 novembre, ce sera Laura Babin et son rock brut mais raffiné et Juste Robert en première partie. Billets en vente sur lepointdevente.com et youneedsounds.com. Tu rêves de jouer au Festif de Baie-Saint-Paul? Le Cabaret Festif, c'est pour toi! Tu pourrais remporter plus de 30 000 $ en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil! Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca/cabaret. Es-tu que sûr d'être prêt à affronter le monde du travail, Paddington. Antitube vous invite à venir visionner Paddington 2 en famille à la Maison pour la danse de Québec le samedi 16 novembre prochain. Une projection aura lieu à 11h et une autre à 13h30. Du popcorn vous sera offert et des coussins colorés vous permettront de vous installer confortablement et de visionner le film dans une ambiance décontractée. Les billets seront disponibles à la porte au coût de 3 $ par enfant et 5 $ par adulte. Pour plus d'informations, visitez antitube.ca. Paddington, c'est parfait. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. On a en studio avec nous de la belle visite, Gabrielle Bélanger. Bonsoir. Salut. Une habituée de l'aérospatiale, oui. On te reçoit à chaque année. Mm-hmm, tout à fait. On est toujours content de te recevoir. On s'en parlait justement hors d'onde à quel point on a de la difficulté à faire nos temps parce qu'on jase puis on se rend pas compte que le temps passe. Ouais, merci de me recevoir. Ben, ça fait toujours plaisir. Donc ici, t'es ici ce soir pour parler de ton exposition « Les mouvements nécessaires ». À Engram, mm-hmm. du 15 novembre au 20 décembre. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit? Je pense que c'est assez... Oui. C'est un long processus, en fait. Là. Dans le fond, j'ai eu une bourse du CALG pour aller faire une résidence aux Îles-de-la-Madeleine cet été. Donc, je suis partie un mois et demi en mode résidence nomade. Donc, c'est vraiment une résidence que je m'étais concoctée. J'avais 3 micro-résidences de 2 semaines sur 3 îles différentes. Et j'étais avec la carriole BIS, donc oui. la carriole qui se promenait déjà ici, là, à Québec, sérigraphie mobile, dans le fond, aller à la rencontre des gens où ils sont avec la sérigraphie. On a créé on a conceptualisé un deuxième atelier, donc la carriole BIS, et c'est avec cet atelier que je suis allée aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, l'idée, c'est un peu le processus que je mène ici avec la carriole. Donc, l'idée d'aller à la rencontre des gens, de leur donner voix, de créer un visuel à partir de notre rencontre. Puis, après ça, moi, je mets ça dans les soies de sérigraphie et je vais réimprimer avec les gens qui ont fait le visuel, mais aussi avec plein de monde au passage. Donc, c'est vraiment fidèle à ton processus d'art de proximité, oui, tout à fait. De co-création mm-hmm. avec des gens qui créeraient peut-être pas de cette manière-là autrement. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, j'avais différents contextes là, de rencontres aux îles. J'avais des contextes plus formels. J'étais allée dans un organisme en santé mentale, un organisme en déficience multiple. Oui, okay. Vraiment, c'était autant physique qu'intellectuel. Okay. Même, j'ai fait de la sérigraphie avec une non-voyante. C'était vraiment intéressant. Wow. Là, ça m'a full inspirée. Ah, c'est sûr. Puis, j'étais allée dans une colonie de vacances. Fait que ça, c'est les contextes plus formels. Puis, de côté plus informel, ben dans des cafés, entre autres au Café de la Grave, où j'avais mis des napperons où les gens pouvaient dessiner. Donc, j'avais comme écrit des questions et vraiment des rencontres au hasard, dans le fond, où on décidait d'approfondir un lien. Puis mon sujet, en fait, c'était vraiment qu'est-ce qui fait qu'on décide de partir puis qu'est-ce qui fait qu'on décide de rester à quelque part. Moi, c'est comme une tension qui m'habite, que tu vis, que je ouais. vis, que j'essaie de gérer. Puis, en fait, je me suis demandé si j'étais... Ben, évidemment, je ne suis pas toute seule à vivre ça, mais j'avais envie de voir qui vivait ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait avec ça, comment, c'est ça. Puis, les îles, c'était comme le terrain fertile pour ça, parce qu'il y a plein de gens de passage l'été, mais il y a aussi plein de résidents qui sont devant le fait de... Je pars-tu, je pars-tu pas pour les études, pour le travail et tout ouais. ça. Donc, c'était vraiment riche, en fait. Puis, je me suis rendu compte que ce sujet-là, en fait, il touche à peu près tout le monde. C'est là. Tellement fertile. Vraiment. Puis, tu sais, c'est pas toi qui as cette tension-là ou ce tu besoin-là. Tu sais, t'as vécu avec un proche, tu sais, qui a eu à partir. C'est ça. Fait ouais. que ça a été vraiment des super belles rencontres. Puis, je pense que ça m'a comme un peu réconcilier, tu sais, ces deux parties-là de moi qui sont comme, qui coexistent mieux, je pense, en fait. Ouais. Ouais. Ben, je sais que les fois où on s'est parlé, justement, t'es arrivée d'un voyage, t'avais trippé, mais t'étais fatiguée, mais t'avais déjà hâte de partir. Ouais. Est-ce que t'as vécu ça à ton retour aussi? Ouais, ben, disons que, tu sais, en fait, j'ai décidé de faire ça aussi parce que c'était un peu à l'image de mon processus. Tu sais, quand j'approche n'importe quelle communauté pour travailler avec elle, je lui demande un peu de plonger dans le vide. Tu sais, je lui offre un peu un voyage. Genre, viens-t'en avec moi, on va faire de quoi ensemble. On sait pas encore quoi. Ouais, mais en leur tenant la main toujours. Oui, ouais. Tout à fait. Tu les pousses pas dans le vide. Non. Tu les tires avec ça. Toi. Voilà, c'est ça. Fait que j'avais envie de me faire vivre ça aussi, cette espèce de chute un peu dans le vide de qu'est-ce que ça va donner. Puis il y avait une exposition qui était comme programmée par Engram, qui était confirmée, puis j'en avais aucune idée ce que j'allais présenter. Fait qu'il y avait comme un peu tout ça. Je me rappelle plus trop de ta question, là, mais je veux juste dire que c'est comme un processus. Je pense que je suis allée comme dans un peu l'extrême de cette, ce risque à prendre-là, puis de pas trop contrôler les variables, autant dans mon processus de création, tu sais, qui est plutôt final, là, ouais, que dans vraiment la cueillette de données avec les gens, là. Donc, c'était vraiment ça. Ce lâcher prise là, est-ce oui. que c'était quelque chose de nouveau dans ta pratique? Ben en fait là, je fais vraiment un parallèle avec en fait les gens, les rencontres que j'ai faites aux îles, les gens m'ont vraiment ramené à des images liées à la nature, puis à la force de la nature, puis ou à l'aspect incontrôlable de la nature aussi. Mm-hmm. Puis je dirais que ça l'amène un peu, ce lâcher prise-là, pour moi, d'accepter comme que... Okay, qu'on fait partie de ça. Oui, c'est ça. Puis il y a comme un mouvement naturel, un mouvement nécessaire qui se fait. Puis c'est ça, la vie aussi. Fait que oui, il y a comme quelque chose dans ce projet-là de plus lâcher prise pour moi. Puis ça me fait du bien. Mm-hmm, ouais. J'ai l'impression que, ouais, que ça t'a fait grandir dans ta pratique artistique, oui, mais personnellement aussi. Oui, tout à fait. C'est toujours un peu comme ça, en fait. Là, les rencontres que je fais me nourrissent au bout. Tu sais, j'ai... En fait, je me suis rendu compte que c'est correct, tu sais, qu'on peut vivre avec cette tension-là, tu sais. Puis ouais, que ça te définit. Voilà, voilà. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai eu plein de réflexions différentes. Il y a plein de points de vue différents sur est-ce qu'on est fait pour être sédentaire? Est-ce qu'on est fait pour être nomade? Est-ce que ça les frite les liens de bouger tout le temps, tout ça? Est-ce que t'en as tiré des conclusions ou c'est encore à l'état d'hypothèse? Ben, tu sais, je me suis demandé, c'est drôle parce que j'ai fait une entrevue au début de mon projet aux îles, puis la fille me demandait ça, elle était comme, ben, tu sais, le but, là, c'est-tu d'avoir une réponse? Puis j'étais comme, hey, je le sais pas. Ben, c'est un processus. Mais c'est ça, c'est un processus, en fait, puis je pense qu'il y a pas trop de réponses, mais non, il y a comme un lâcher-prise, comme ouais, je le mets, là, une espèce d'acceptation de ce qui est, en fait. Oui, ouais, ben, ça invite les gens à réfléchir sans nécessairement avoir de réponse. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent dans l'exposition qui est probablement en installation en ce moment? Oui, je suis en montage. Oui, je dirais qu'il y a quelque chose... en fait, l'exposition est vraiment... Je pense que c'est très éclectique. Il y a comme de l'installation, oui, c'est... de la sérigraphie, plein oui, de choses. Ben, c'est tout à base de sérigraphie. Oui. Il y a des photos un peu qui se mêlent à tout ça. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que les gens sont appelés vraiment à intervenir pour faire évoluer les œuvres, la mise en espace. Puis, tu sais, quand je donc disais... c'est interactif? Oui, c'est interactif. OK. On n'est pas dans le multimédia pour autant, là, mais il y a vraiment quelque chose, tu sais, les gens vont être appelés à poser des gestes, à réfléchir à leurs gestes aussi, pour faire évoluer les œuvres, en fait. OK. Puis moi-même, je me suis dit que je me laissais peut-être la possibilité de réintervenir dans l'espace d'exposition au cours de l'exposition, dépendamment de ce qui se passe, de comment les œuvres évoluent. Donc, il y a quelque chose de in process jusqu'au bout, là. Ouais, c'est vraiment le lâcher prise jusqu'à la fin ouais, de l'exposition. C'est une exposition qui est très vivante. Oui, oui, oui. À ton image. Ouais, ouais, une ouais, exposition un peu nomade. Tout à fait. Oui, oui. Oui, ben, c'est vraiment, vraiment intéressant. On se laisse le temps d'une courte pause audio. Mm-hmm. Puis au retour, on va parler un petit peu plus de la carriole. Oui. Ça m'intrigue, cette différence entre la carriole et la carriole bis. Tu m'en parleras un peu plus. Donc, on écoute toujours le groupe Chocolat, qui est un groupe de Montréal, je le rappelle, de l'album Jazz Engagé. On écoute le titre Bonjour Chocolat. Puis on retourne avec Gabrielle Bélanger au retour de cette pause. Bonsoir, Gabrielle Bélanger. Donc, on continue à parler de ton exposition. J'ai menti avant la pause audio. On disait que ce serait la carriole au retour, mais non, on veut continuer à parler de l'exposition. Tu mentionnais hors d'onde qu'il fallait absolument venir au vernissage. Il fallait arriver tôt, parce qu'on a tendance à arriver fashionably late un petit peu dans les vernissages. Donc, pourquoi? Explique-moi ça. En fait, ça. C'est ça, c'est qu'il va y avoir vraiment des images en transformation dès 5 heures. Là. Okay. Donc, par les interventions des visiteurs. Donc, c'est sûr que si vous voulez voir comme le premier aspect de l'exposition, il faut venir dès le début. Puis, ben c'est ça, il va y avoir des images qui vont se perdre, en fait, par les interventions. Donc, voilà, je suis intrigante. Ma curiosité. Bon, donc, il faut venir au vernissage et arriver tôt. Tu nous en diras pas plus. Non. Hein? Non? Bon, d'accord. Donc, on va le rappeler en fin d'émission, mais le vernissage, c'est vendredi, oui. Le 15 novembre, voilà. À partir de 17h. Et comme on dit, je le répète, il faut arriver à 17h voilà. Si on veut voir l'évolution de la chose. Puis, l'exposition risque d'évoluer, comme on disait avant la pause, oui. Tout le long jusqu'au 20 décembre. Tout à fait. Parfait. Puis là, je suis curieuse. La carriole, tantôt, oui. tu expliquais ce que tu faisais avec ça et tu disais « on ». C'est qui ce « on-là » qui a développé la carriole? Bien, à la base, c'est ça, la carriole. C'est un atelier de sérigraphie mobile qui a été développé par moi, Engram et Pêche Sherpa. Donc, on était un peu ces trois têtes-là autour d'une idée d'aller vers les gens avec la sérigraphie. Puis c'est là qu'on a, on s'est affilié avec l'œil de poisson qui ont construit, dans le fond, la carriole. Okay. Donc, on a fait une première année l'année passée où on est allé plus à la rencontre des gens vraiment dans la rue, donc... Beaucoup d'enfer. Oui, c'est ça. Donc, c'était quand même assez itinérance, mais assez large aussi, là, dans le fond. Puis ça crée des contextes de mixité sociale où un touriste peut imprimer avec un itinérant, justement, un enfant avec un aîné. Donc, des super belles choses. Donc, à la base, c'était ça, le projet. Il y a une deuxième année de la carriole cette année où on a travaillé avec le Centre d'amitié autochtone de Québec. Donc, on est allé à la rencontre des... autochtones en milieu urbain avec la carriole. Puis on a aussi été avec le Carrefour d'action interculturelle. Donc on avait comme un volet plus immigrant, un volet plus autochtone au projet. Puis on est aussi allé dans la rue. Puis en fait, c'était une première bébelle qu'on créait. On savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner tout ça. Ça a full bien marché, mais techniquement il y avait des choses, tu sais. C'est gros, la carriole. Ouais. C'est lourd. Comment tu la transportes à vélo? C'est ça, c'est à vélo, en fait. Donc, okay. C'est comme un trailer de vélo, oui. Sur lequel on a construit une boîte qui se déploie en atelier. Donc, pour aller aux îles, je voulais vraiment quelque chose de plus petit et de moins lourd. Oui. Pour vraiment être plus mobile et tout ça. Est-ce que tu l'as transporté... En oui. voiture ou t'as oui, fait c'est le trip à vélo? Non, j'ai pas fait okay. le trip à vélo. je te trouve déjà admirable, mais là, ça... Non, ça aurait été un peu intense. C'était déjà assez intense de même. Oui, j'imagine. Fait que oui, c'est ça. Fait que là, la carriole B, c'est plus petite, plus mobile. Ouais. Voilà, puis tu sais, il y a d'autres bébés carrioles. Il y a deux mini carrioles qui sont plus des... Des pousse-pousse des un pousse-pousse, peu. Des pousse-pousse, ouais, des espèces de... des chariots, chariots un peu dans voilà, le fond qu'on promène ça. À pied. Ouais, c'est ça qu'on okay. roule. Puis cet été là, il allait dans les parcs, c'était plus visé famille là, disons, okay. donc dans les parcs. Quand donc, tu dis il allait dans les parcs, ben en fait, c'est des, ça, des c'est qu'on est rendu de... plusieurs artistes d'engrammes à travailler okay. avec les carrioles finalement parce que ça marche super bien puis ça répond vraiment à des à des besoins, en fait. Ben oui, vraiment. Ouais. Surtout dans Saint-Roch, c'est tellement... C'est comme le centre de la vie culturelle à Québec. Mais en même temps, on a tous ces gens-là qui vivent sans entrer dans ces milieux-là. Justement, toute la communauté d'itinérants qui vit, là, c'est leur milieu de vie, c'est leur communauté. Puis on va pas voir un itinérant rentrer dans les centres d'artistes. C'est pas qu'on voudrait pas, mais il y a cette barrière-là qui se crée. Ouais, la carriole permet vraiment de joindre ces communautés-là. Ouais. Vraiment, puis tu sais, il y a des gens même qui c'est comme une porte d'entrée pour Engram aussi, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à pousser plus la sérigraphie. Là, ils me voient dans la rue, fait que tu sais, après ça, ils peuvent appeler Engram, c'est ça. Fait que sérieusement, c'est vraiment... Ça enlève, ça descend un peu l'art et la création du piédestal sur lequel on le met. Moi, j'avoue que dans tout ce que je crée, j'ai cette préoccupation-là. Puis, tu sais, quand je dis qu'il y a des images qui vont être transformées durant mon exposition, c'est aussi ça. C'est aussi de... On peut toucher les œuvres, tu sais, la désacralisation de l'œuvre d'art, c'est vraiment important pour moi. Puis du cube blanc, puis c'est ça. Ah, ouais. Puis, tu sais, avec la carriole, en fait, les impressions qu'on fait, pour moi, c'est pas nécessairement des œuvres, dans le sens que c'est plus... un témoin qui témoigne d'une expérience. Oui, c'est ça. Dans le fond, d'une rencontre, en fait, d'un lien qui est créé entre deux personnes à travers un geste artistique. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis après ça, je peux créer des installations à partir de ce matériel-là. Mais, tu sais, c'est ça. Ce qui est imprimé pour moi, c'est pas nécessairement l'œuvre, mais c'est plus un témoin. Donc D'où le titre un peu « art de proximité » que tu t'es approprié, avec raison d'ailleurs, quand on s'est rencontrés. Oui, c'est quelque chose qui était comme en formation, puis de plus en plus quand on lit des textes sur toi, quand on entend des entrevues, c'est quelque chose que tu t'appropries de plus en plus. J'en suis très heureuse d'ailleurs. C'est plus assumé, je dirais. Là, on dirait que, en début de carrière, tu oses... Tu veux un peu te ranger dans ce artiste visuel, nanana. C'est facile de faire des demandes de subvention Mais là, quand tu t'appelles artiste de proximité, tu fais comme « Ah, les gens font comme... Qu'est-ce qu'il y en a, tu sais? » Fait que... Puis là, j'ai eu plus comme l'opportunité de démontrer c'est quoi de par mon travail, mes expositions, mes projets. Fait que là, après, c'est plus facile d'en parler, puis les gens, ils comprennent tout de suite. Pour moi, artiste de proximité, c'est vraiment... donc, le mur de proximité, ça vient vraiment du travail social. Là, donc, les approches de proximité en travail social, où on se fait proche des gens, on est avec, on fait juste être avec les gens, finalement. Oui. Bien, puis c'est ça, l'œuvre d'art, comme tu dis. Oui. C'est pas nécessairement l'objet qui en ressort, oui, mais c'est ça. Vraiment le processus au complet. Oui, ouais, c'est ça. On est dans l'art relationnel aussi, nécessairement. Puis dans l'art infiltrant avec la carriole aussi. Oui. Puis, c'est ça. C'est ce qui fait que je ne suis pas une intervenante sociale, c'est que le processus est artistique. Le processus n'est pas thérapeutique. Là, non, pas là-dedans. Exactement. Même si, au final, souvent, pour s'en être parlé pour d'autres projets aussi, le résultat finit par être thérapeutique, autant pour toi que pour les co-créateurs. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je l'assume aussi, mais pour moi, c'est pas une visée, mais c'est comme ça va avec... nécessairement, on s'en sort pas, puis tant mieux, tu sais. Oui. Bien, merci beaucoup, Gabrielle Bélanger. Merci. Toujours un plaisir de t'avoir en studio avec nous. Donc, on invite les gens à aller au vernissage de l'exposition Les mouvements nécessaires à Engram. Vernissage le 15 novembre à partir de 17h. Il faut être là à 17h. Puis l'exposition se poursuit jusqu'au 20 décembre. On se laisse le temps d'une courte pause audio. Toujours chocolat. Et le titre, c'est « Cette fois, c'est la bonne ». Puis au retour de la pause, petite agenda de la semaine. Une introduction inutilement complète. Donc, re-bienvenue à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Toujours Myriam Leland à l'animation en remplacement de Gentiane La France. Donc, cette semaine, on a différentes expositions qui ouvrent. Jeudi, le 14 novembre, on a le vernissage à 17h de l'exposition « L'horizon des événements » de l'artiste Jérémy Saint-Pierre à la galerie Michel Guimont. On a également, dans la mêlée, soirée de performance et de photographie. On a parlé avec Simon Debussière en début d'émission de cet événement-là. Donc, c'est une dizaine d'artistes des programmes d'art visuel et d'histoire de l'art de l'Université Laval. Ça se déroule à la librairie Saint-Jean-Baptiste et c'est 5 $ le coût d'entrée, donc soit en ligne ou à la porte. Vendredi, le 15 novembre, on a le vernissage des mouvements nécessaires de Gabriel Bélanger avec qui on vient tout juste de s'entretenir. Donc, c'est à Engrand, mais on vous suggère d'arriver à 17h, puisqu'il va y avoir des petites interventions, des performances, des invitations à intervenir avec les œuvres à partir de 17h. On a également l'exposition « Figures sans visage » de Fanny Hénon-Lévy, qui est à Pêche Sherpa, donc dans la galerie de Pêche Sherpa. Le vernissage est de 17h à 19h. Puis, c'est la dernière semaine pour voir l'exposition « Limbe et renversement » de Paris Martin à la Galerie 3. Donc, c'est jusqu'au dimanche 17 novembre que vous pouvez voir cette exposition-là. C'est ainsi que l'émission se termine. Je tiens à remercier Gentiane La France de m'avoir gracieusement offert la barre de l'émission cette semaine. Je reprendrai d'ailleurs la semaine prochaine avec sa bénédiction. Un grand merci à nos invités Simon Debussière, Nadia Morin et Gabriel Bélanger. Vous pouvez rattraper, comme à chaque semaine, l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com et vous pouvez également suivre notre page Facebook. Et finalement, merci à Jacques Gignac, le Mondrian de la console. On vous laisse pour ce soir. C'est l'émission Situation critique avec Pierre qui est ici en studio pour nous parler de ce dont il va discuter à l'émission. C'est KRL. J'ai un petit peu beaucoup d'avance, fait que c'est parfait que t'aies un... Culture. Donc, Pierre, justement, comme je disais, tu as un doublé. J'ai plein de choses ce soir. Je t'ai fait de la place parce que tu mentionnais que tu avais deux choses dont tu voulais nous parler. Parler des sujets, effectivement. Intro. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler, même si c'est une émission de cinéma, on va beaucoup parler de séries. J'ose pas dire de séries télé. OK. Séries web. Est-ce que je suis en onde, moi, là, Jacques? Oui, OK, je m'entends pas. J'enlève mes écouteurs, tout simplement. On est trop à l'aise. Série de plateforme. Faut plus dire série télé, parce que Netflix, okay, ce n'est pas de la télévision. Oui, on peut l'écouter sur la télé, mais il y a beaucoup d'ados qui regardent même les séries de Netflix sur leur cellulaire, c'est dire. En effet. Donc, parlons de séries de plateforme et pas de séries de Netflix, non. De concurrents de Netflix. Premièrement, HBO. Ah oui, bon, bonnes séries. Effectivement, ils sont reconnus pour leur qualité du côté de leur série. Et l'une qui a commencé depuis environ un mois, c'est tirée d'une bande dessinée culte. C'est Watchmen. Il y avait eu un film, d'ailleurs, voilà quoi, une dizaine d'années, très réussi à mon sens. Et là, finalement, on a décidé de faire une série télé. Une série télé. Hein, regarde le tic. Bon. Une série à partir de la bande dessinée. L'auteur, Alan Moore, ne veut rien savoir. Il dit, oui, OK, vous avez acheté les droits de mon œuvre. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas être associé à ça. Ah, bon? Je veux même pas que mon nom apparaisse. Donc, on a pris l'univers. On l'a retravaillé un peu. Moi, j'ai regardé les premiers épisodes. Patrick Marleau va venir nous en parler parce que c'est une série quand même à grand déploiement. Une série de super-héros, mais une série aussi assez sombre. Donc, on n'est pas dans l'univers de Marvel. On revisite l'univers des super-héros et qui sont un peu mal vus par la population et aussi les autorités. Ben, déjà, dans le film qui avait été absolument, fait, c'était déjà ça. Sombre. Tout à la fait. Bande dessinée est déjà sombre, oui, également. Là. Exactement. Donc, on exploite on ça. On revisite tout ça. Génial. L'autre série, ça vient de commencer. Ça, je pense que c'était hier qu'on pouvait s'abonner. Déjà, je pense que 12 millions d'abonnés la première journée. Wow. C'est une nouvelle plateforme de laquelle je parle. Je vais m'essayer Amazon. Non, ça existait déjà, ça, Prime, hein, okay, on le sait. Okay. Disney. Disney, ben et oui. Et Disney, Dieu sait que leur plateforme pour concurrencer Netflix met en évidence un catalogue très riche. Les dessins animés de Disney. Mais il y a aussi, si Pixar. Je ne me trompe pas, Pixar, mais il y a aussi Star Marvel. Wars. Et Star Wars, j'allais en parler, Disney. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, aussi, ils ont l'intégrale des Simpsons. Ah, bon. Ben là, tu m'as vendu. Mais revenons à Star Wars. La première série vedette de Disney, la nouvelle plateforme numérique, c'est The Mandalorian, et c'est tiré de l'univers. On a connu le personnage de Boba Fett. Oui. D'où vient-il? Quelles sont ses origines? Pas avec le personnage comme tel, mais ses pères, disons. Donc, on va découvrir le lieu où il habitait et ceux qui habitaient sur cette planète-là. J'en sais pas plus, j'ai même pas vu ça encore, Patrick Marleau, qui a regardé le premier épisode, mais ça cartonne présentement. Ah ben j'imagine, ben voilà. On a hâte d'entendre parler de ça. Ben merci beaucoup Pierre. Merci. Bonne émission. Merci encore d'avoir écouté l'aérospatiale. On se retrouve la semaine prochaine. Myriam Leland qui était à l'animation. Donc bonne semaine. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Cette semaine en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy. Antigone, Dr. Sleep, Jojo, Midway, Noël dernier, Parasite et le Royal Opera House présente Don Giovanni. Et au Clap Loretteville, Doctor Sleep, Noël dernier, Parasite et le Royal Opera House présente Don Giovanni. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Ce soir, à Situation Critique, la série de Disney de Mandalorian, la série de HBO Watchmen adaptée de la BD de Alan Moore, également Doctor Sleep, oui, est-ce la suite de Shining, ou du moins l'adaptation du livre qui est la suite de The Shining, et aussi le réalisateur de La Dérape 3, co-réalisateur de La Dérape 3, Richard Lacombe. Sur les ondes de CKRL, c'est avec quelques secondes d'avance, mon Dieu, que nous commençons cette émission, mais on va en profiter. Pierre Blais au micro et à la mise en onde. Non, il n'a pas besoin de coton ouaté pour performer derrière ses pitons, c'est Jacques Gignac. Patrick Marleau, bonsoir. Bonsoir. Patrick, là, on va se le dire, c'est presque une émission qui t'est entièrement consacrée parce que t'as vu le film qui était quand même assez attendu, Doctor Sleep. Oui, c'est de suite au mythique The Shining de Stephen King, finalement l'adaptation de la son suite roman. Du livre, la suite du film. Oui, on va départager tout ça, effectivement. Puis l'adaptation du roman qui était la suite du livre, roman, oui. Du roman. Et Stephen King, il faut le rappeler, moi j'aime ça, c'est toujours ma petite une question qu'on pourrait poser là, dans un quiz à Noël, là, mais il a réalisé sa propre version de The Shining. Toi, oui. Monsieur Richard Lacombe qui est avec nous, tu savais pas ça toi Richard? Je savais pas ça. Au début des années 90. Ça se trouve sûrement encore, moi je l'avais loué à l'époque en DVD, c'est une sorte de téléfilm en deux parties, comme ça à l'époque Hit, là, la première version, ça avait été fait pour la télé, et dans le cas de Stephen King, rappelons-le parce qu'on a une minute de trop dans cette émission aujourd'hui, mais c'est qu'il avait détesté ce que Kubrick avait